Louis-Joseph Stanislas Martin, béatifié le 19 octobre 2008, canonisé, avec Zélie, son épouse le 18 octobre 2015. L'artériosclérose du cerveau, sa maladie, ses souffrances. Seuls quelques indices apparaissent dans l'autobiographie, l'histoire d'une âme de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, sur la profonde souffrance ressentie au cours de l'épreuve de son cher père Louis Martin. Par exemple, peu après le jour de sa prise d'habit, le 10 janvier 1889, un jour de triomphe couronné de tout le bonheur, elle a écrit « Je ne pensais pas alors à l'épreuve qui nous attendait. Je ne savais pas que, le 12 février, un mois après ma prise d'habit, notre Père vénéré s'abreuverait à un calice aussi amer. Ah, je n'ai pas dit alors pouvoir souffrir davantage. Les paroles ne peuvent exprimer nos angoisses, je n'essaierai pas de les écrire. » Histoire d'une âme manuscrite à folio 73 recto. Plus tard, dans les cieux, nous aimerons à nous entretenir de ces jours sombres de l'exil. Oui, les 3 années du martyr de notre Père me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de notre vie. Je ne les échangerai pas pour les plus sublimes extases, et mon cœur, en présence de ce trésor inestimable, s'écrie dans sa reconnaissance. Soyez bénis, mon Dieu, pour ces années de grâce que nous avons passées dans les mots. Psaume 89, 15. Peu après l'entrée de Thérèse au Carmel de Lisieux, à 15 ans, le 9 avril 1888, Louis a dit à ses filles, Marie, Pauline et Thérèse, lors d'une visite au parloir, « Mes enfants, je reviens d'Alençon, où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grande grâce, de telle consolation, que j'ai fait cette prière. Mon Dieu, c'en est trop, oui, je suis trop heureux, il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous. Et je me suis offert. » Le mot victime expira sur ses lèvres. Il n'osa pas le prononcer devant nous, mais nous avions compris. Dieu a accepté l'offre généreuse du patriarche de la famille. Après plusieurs attaques cette année-là, Louis Martin a commencé à souffrir de pertes de mémoire assez sévères, de difficultés à parler, fixations et craintes injustifiées, périodes de dépression et d'exaltation, désir de s'enfuir et de se cacher, causait une grande anxiété à la famille. Plus tard, son état fut diagnostiqué comme une dégénérescence vasculaire cérébrale, une artériosclérose du cerveau, qui évoluait depuis une décennie. Un an plus tard, l'état de M. Martin avait empiré. Son comportement erratique, instable, sans cohérence, et son obsession pour la fugue avaient augmenté. Il était devenu impossible pour Céline et Léonie de le surveiller continuellement. Son beau-frère, Isidore Guérin, qui assumait la responsabilité de la famille, a insisté sur le besoin de soins spécialisés et d'une surveillance constante. Ainsi, M. Martin, 65 ans, le vénérable patriarche de la famille Martin, a été commis à l'asile du Bon Sauveur, la maison de fous, comme elle était appelée grossièrement dans la région, où il était détenu sous le numéro 14449. Ce fut le 12 février 1889 que notre cher petit père nous quitta pour entrer au Bon Sauveur de Caen. La plume se refuse à dépeindre nos angoisses. Ce mot de Bon Sauveur, j'évite encore de le prononcer, il me fait blessure au cœur. Et cependant qu'il a été bon, notre Sauveur, que douce a été sa main pour nous aider à porter notre fardeau. Jusqu'ici, nous n'avions pas laissé voir à papa que nous le trouvions malade. J'essayais de le distraire par toute espèce de subterfuge. Lorsqu'il se plaignait de son manque de mémoire, j'en riais, je lui faisais des malices sur sa barbe qui ne repoussait pas assez vite et sur les prétendus tours qu'il nous jouait. Mais aussitôt qu'il fut dans un autre milieu, il comprit tout. Et comment ne l'aurait-il pas compris? Quand même nouer les bonnes religieuses qui le soignaient eussions pu arriver à le lui cacher, des étrangers se seraient chargés de le lui faire savoir. De même qu'il ne nous a rien manqué à nous, dans cette épreuve, rien ne fut épargné non plus à notre père chéri. Par un regrettable malentendu, des hommes de loi vinrent le trouver pour lui faire signer les papiers relatifs à l'interdiction. Afin de l'y décider, ils osèrent lui dire que c'était de la part de ses enfants. Alors, ce pauvre petit père reprit en sanglotant, « Ah, ce sont mes enfants qui m'abandonnent !» Et il signa. PDF page 45 Histoire d'une petite âme qui a traversé une fournaise. Autobiographie de Céline Martin, sœur Geneviève de la Sainte Face. Un cadeau, pas une punition. Ni Louis Martin, ni ses filles n'ont ressenti pour cette même maladie une amertume ou une colère envers Dieu. Ils ont accepté, plutôt, cette souffrance comme un don, destiné à affiner et à purifier leurs âmes. Dans ces moments de lucidité, Monsieur Martin ressentait l'humiliation aiguë de sa situation. Puis il a généreusement renouvelé son sacrifice et trouvé la bonté de Dieu dans cette grande épreuve. « J'avais toujours été habitué à commander, a-t-il dit à un médecin, et je me vois réduit à obéir, c'est dur. Mais je sais pourquoi le bon Dieu m'a donné cette épreuve. Je n'avais jamais eu d'humiliation dans ma vie, il m'en fallait une. » Pendant les périodes de rémission, on le voit s'occuper des malades qui l'entourent. Quand Céline lui dit que sa famille, ses amis et surtout les carmélites, priaient pour son retour à Lisieux, il répondit « Non, vous ne devez pas demander cela. Laissez faire Dieu. » Un des médecins lui dit un jour qu'ils allaient le guérir mais il répondit « Cette épreuve est une miséricorde. Je suis ici pour expier mon orgueil. Je mérite la maladie qui m'a frappé. » La sœur qui a assisté à la scène, dit plus tard à Céline, « Nous n'avons jamais rien vu de semblable, nous prenons soin d'un saint. » Thérèse écrira plus tard dans son autobiographie, décrivant comment elle-même et ses sœurs comprirent les souffrances de cette période, « Quelle a été douce notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Nous ne marchions plus dans les sentiers de la perfection, nous volions, toutes les cinq. » Histoire d'une âme manuscrite à 73 versos. Quand Thérèse souffrit l'épreuve si humiliante de la maladie de notre Père vénéré, elle montra que ses désirs de mépris n'étaient pas les trop mortes. Que de fois, depuis son adolescence, n'avait-elle pas répété, avec enthousiasme, cette parole de Saint Jean de la Croix, « Seigneur, souffrir et être méprisé pour vous. » C'était le thème de nos aspirations quand, aux fenêtres du belvédère, nous devisions ensemble sur la vie éternelle, « Seigneur, souffrir et être méprisé. » Les dernières années de Monsieur Louis Martin. L'exil de notre bon père se prolongea jusqu'au mois de mai 1892, où, la paralysie ayant immobilisé les jambes, il nous fut enfin possible de le soigner nous-mêmes. D'ailleurs, il est à remarquer que, jusqu'en ces crises d'agitation ou de tristesse, jamais il ne manifesta des sentiments de révolte, ni des procédés violents ou déplacés. C'est ce qui le rendait si touchant et sympathique, au sein même de ses infirmités. En mai 1892, Monsieur Martin, âgé de 69 ans, retourne à Lisieux. Lorsque son beau-frère l'a soulevé pour le mettre dans le fauteuil roulant, Louis Martin a exprimé sa gratitude. « Au ciel, je vous revoudrai cela », a-t-il dit. Les deux années suivantes, il sera sous les soins de Céline et de Léonie dans une petite maison louée près de la maison Guérin, à Lisieux, cette rue Labbé. Un couple marié, désiré et aimé le juif, était employé en tant que serviteur et il passait presque toute la journée dans son fauteuil dans le petit jardin, avec le chien Tom. Un an plus tard, Léonie fit une retraite au couvent de la Visitation de Caen et décida d'y rester pour essayer de réaliser sa propre vocation. C'était sa seconde tentative, ce ne sera pas la dernière, elle ne trouvera la grâce de rester qu'en 1899, 2 ans après la mort de Thérèse. Bien que Céline soit heureuse pour sa sœur, elle ressentit avec acuité son nouvel isolement. Elle écrivit à Thérèse « Je n'arrêtais pas de penser à Léonie, ma compagne d'infortune, qui m'abandonnait. Maintenant, je n'ai plus personne au monde. Il n'y a plus que le vide autour de moi. La pensée que j'étais le dernier fragment brisé de notre famille m'a rempli d'une tristesse vertigineuse. La vie semble si triste, si terriblement triste, je sens une grande amertume dans mon âme. Papa est au ciel. Vers la fin de juillet, l'état du malade empirait et l'extrême onction lui fut administrée. Le 29 juillet 1894, à 71 ans, Louis Martin est décédé paisiblement. Céline à ses côtés, qui priait les invocations à Jésus, Marie et Joseph pour une mort heureuse. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur. Mon esprit et ma vie, Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, que je meure paisiblement en votre sainte compagnie. Soudain, Monsieur Martin ouvrit les yeux et regarda avec beaucoup de tendresse, puis les ferma à jamais. Céline envoya un télégramme au couvent des Carmélites. Papa est au ciel. J'ai reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les yeux. Son beau visage a pris aussitôt une expression de béatitude, de calme si profond. La tranquillité est peinte sur ses traits. Un mois plus tard, Thérèse écrivait « La mort de papa ne me fait pas l'effet d'une mort, mais d'une véritable vie. Je le retrouve, après 6 ans d'absence. Je le sens autour de moi, me regardant, me protégeant. » C'est à cette époque qu'elle écrivait « Prière de l'enfant d'un saint, demandant à son père, depuis le paradis, de veiller sur ses enfants restés sur terre. Marie, votre diamant scintillant et pur, Pauline, votre belle perle fine, Léonie, qui a lutté dans ce monde. Céline, votre ange du ciel et enfin, Thérèse, votre petite reine. » Elle conclut en se réjouissant pour « Ta croix amère qui a remporté une couronne pour ton front. » Durant son épreuve, Monsieur Martin aurait parfois couvert son visage avec un mouchoir, comme s'il était honteux d'être vu si humilié. Quand Thérèse entendit cela, le voile se leva pour lui révéler le sens d'une vision mystérieuse qu'elle avait vécue jeune fille. Bien que son père fût très loin, en voyage d'affaires, Thérèse avait vu un homme dans le jardin habillé exactement comme lui, marchant courbe et couvrant son visage avec un linge. Elle comprit alors sa vision qui était une préfiguration mystérieuse de la maladie future que Dieu avait envoyée. Dans son autobiographie, elle écrivit « C'était bien papa que j'avais vu, s'avançant courbé par l'âge. C'était bien lui, portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de sa glorieuse épreuve. Comme la face adorable de Jésus qui fut voilée pendant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de ses douleurs, afin de pouvoir rayonner dans la céleste patrie auprès de son Seigneur, le Verbe éternel. » Un peu plus tard, Thérèse commença à signer ses lettres, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Lors des funérailles de Monsieur Martin, une carte avec une image de la Sainte Face, dévotion de Tourvoile de Véronique, a été donnée à la famille et les amis comme un mémorial de la vie du patriarche de la famille bien-aimée. Nous ne sommes pas encore dans notre patrie et l'épreuve doit nous purifier comme l'or dans le creuset, écrit Thérèse. Lettre 165 à sa sœur Céline. Mark Endan, archive.org. D'après Mister Martin is humiliation and suffering par Marianne Thiorvat et Le portrait de mon père par Sœur Geneviève de la Sainte Face et de Sainte Thérèse, OCD, Céline Martin, septembre 1952, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.